des pieds nus s'agite sur des marguerites. Le secret de cette joie qu'on abrite, c'est ça le bonheur. C'est donc ce truc-là que j'ai toujours cherché. Il était là en moi. C'est ça le bonheur. Je le cueille par terre et j'en fais un bouquet. Et le vase, tu sais, c'est moi. Sagesse qu'apporte cette douce solitude. Les enfants, ton rire, ton corps en prélude. Se baigner dans toutes les plages du sud. C'est ça le bonheur. C'est donc ce truc-là que j'ai toujours cherché. Il était là en moi. C'est ça le bonheur. Je le cueille par terre et j'en fais un bouquet. Et le vase, tu sais, c'est moi. Là que j'ai toujours cherché, il était là en moi.